La conférence nationale des exemplaires du secteur de la prospection géologique a eu lieu le 25 à Pyongyang, au Palais de la Culture du Peuple. La réunion a dressé le bilan des succès, expériences et leçons remportées dans l'application des tâches militantes précisées dans l'œuvre classique du général Kim Jong-il pour opérer un tournant nouveau dans la prospection géologique et discuter des problèmes pour appliquer parfaitement la ligne stratégique de l'édification d'une puissance économique présentée au 7e congrès du parti, et inviter les hommes du secteur de la prospection géologique à s'acquitter de leurs missions et devoirs d'avant-garde dans l'industrie et l'édification économique socialiste. À la conférence, on prit part le Premier ministre Park Bong-joon, les cadres responsables des organismes du parti, des forces armées et du pouvoir, des ministères et établissements centraux, des provinces, villes et arrondissements, des usines et entreprises, ainsi que les cadres et le personnel exemplaire du secteur de la prospection géologique de tout le pays. Le Premier ministre Park Bong-joon, membre du comité permanent du bureau politique du comité central du Parti du Travail de Corée, a transmis avec respect la lettre historique du maréchal Kim Jong-un adressée aux participants à la conférence, imprimant un tournant dans la prospection géologique pour accélérer l'édification d'une puissance économique socialiste. En voici le résumé. La prospection géologique est une entreprise importante pour connaître la structure géologique du pays et découvrir toutes les ressources naturelles souterraines pour mettre sur pied une puissance économique socialiste et un paradis du peuple. La prospection géologique a obtenu dans le passé un grand progrès dont l'intérêt profond est sous la direction dynamique du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il. Grâce à la direction éclairée et aux efforts patriotiques des grands leaders, la structure géologique du pays a été systématisée intégralement et des gisements du charbon et des minéraux prometteurs sont découverts partout dans le pays de façon à jeter une garantie d'assurer les matières premières et combustibles nécessaires au développement indépendant de l'économie et les prospections des fondements pour la construction des établissements importants de commandes, de l'eau souterraine et des eaux thermales sont livrées dynamiquement pour faire un apport au développement économique et à l'amélioration de la vie du peuple. Toutes les grandes mines et houillères et les créations monumentales de l'époque du Parti du Travail surgies sur ce sol sont empreintes du sang et de la sueur des cadres et travailleurs de la prospection géologique qui se sont dévoués pour la prospérité de la patrie. Sur ce, le message remercie vivement les participants à la conférence, les cadres et autres travailleurs de la prospection géologique du pays qui travaillent avec sincérité et avec passion dans leur poste sans se faire remarquer, avec la fidélité infinie envers le parti et le leader et le grand patriotisme. Et de continuer. Pour atteindre le grand objectif de l'édification d'une puissance économique socialiste présentée au 7e congrès du parti, il faut imprimer un grand tournant dans la prospection géologique. La prospection géologique est primordiale dans l'édification d'une puissance économique socialiste. Les cadres et les travailleurs de la prospection géologique doivent prendre conscience en profondeur du dessein et de l'intention du parti et marquer un tournant décisif dans leur travail. La tâche principale de la prospection géologique est de réorganiser les effectifs de prospection et imprimer une nouvelle innovation dans la prospection sur la base des sciences et techniques modernes pour remplir la mission d'avant-garde dans l'édification d'une puissance économique socialiste. Il faut établir avec prévoyance et de façon scientifique la stratégie de développement de la prospection géologique conformément à la demande de l'édification d'une puissance économique et l'exécuter sans faute par étapes. Il convient de faire progresser avec prévoyance et de façon planifiée les prospections des ressources naturelles souterraines et du territoire. Il incombe d'informatiser et de moderniser la prospection géologique reposant sur les sciences et techniques de pointe, moderniser et nationaliser des installations de prospection. Il faut établir la discipline et l'ordre exploitant les ressources naturelles souterraines sous la direction unifiée de l'État, rehausser le sens de responsabilité et le rôle des établissements de surveillance de la prospection des ressources naturelles souterraines et accorder un intérêt étatique à réunir des conditions matérielles et techniques nécessaires à la prospection géologique. Il convient de renforcer la direction du parti sur la prospection géologique. Pour terminer, la lettre s'exprime convaincue que les cadres et les travailleurs de la prospection géologique de tout le pays imprimeront un tournant dans la prospection géologique avec l'esprit révolutionnaire du Pekdu et l'esprit révolutionnaire de se renforcer soi-même pour faire un apport à l'édification d'une puissance économique socialiste. À la réunion, il y a eu un rapport et des interventions. Les orateurs ont souligné que l'idée et la cause des grands leaders sur la prospection géologique continuent loyalement grâce au maréchal Kim Jong-un et que tous les succès du passé sont la démonstration de la justesse et de la vitalité immense de l'orientation originale du président et du général en matière de prospection géologique, et aussi le résultat de la direction éclairée du maréchal qui conduit à faire valoir pleinement la primauté de l'esprit de se renforcer soi-même dans l'édification d'une puissance socialiste. Ils ont invité tous à opérer un tournant nouveau dans la prospection géologique suivant la lettre historique du maréchal Kim Jong-un pour faire briller l'époque du Grand Parti du Travail par des créations et changements en remplissant à merveille la mission d'avant-garde de l'industrie qui découvre toutes les ressources naturelles souterraines dans le pays. Les participants ont adopté un test de serment à l'adresse du maréchal Kim Jong-un.